Les personnalités de divers pays du monde exaltent les exploits du général Kim Jong-il. Dans leurs messages et lettres de félicitations adressées dans des occasions significatives, le président du Parti socialiste béninois, le président du Front de salut national de Russie et autres personnalités ont indiqué que le général coréen a développé le Parti du travail de Corée en une entité idéologique pure, fidèle aux idées et directions du leader, en une organisation cohérente, en partie invincible, solidement basée sur les masses et partie mère qui se charge et prend soin du sort du peuple. Le président de l'Institut de la confiance en soi du Bangladesh, président de la Ligue populaire, le chef du cercle suédois d'études des idées du Juche et autres amis étrangers ont affirmé que ses exploits d'avoir transformé le parti coréen en une puissante organisation avant-gardiste invincible avec son intelligence de penseur et de théoricien génial et son leadership peu commun seront immortels. Ils ont souligné que tant qu'il y a la direction éclairée du dirigeant suprême Kim Jong-un, la cause révolutionnaire Juche commencée au Baekdu, cause de la révolution de Sungun, triomphera à coup sûr.